بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية تقدم لكم راشد أبو هذيفة qui se fait appeler l'imam de Brest, qui pour soi-disant un amour de l'islam de propagation est prêt à faire des concessions aux religions. À vendre sa religion pour appeler quoi? Les mécréants, avoir un discours ouvert avec eux. Et ça, on a dit, l'islam, ça n'existe pas. Le Nabi Sallam, c'est pas que c'est chrétien, on discute avec eux. Et écoutez ce qu'ils ont à dire. Il les a appelés pour leur dire sur quoi ils sont comme faux, ils y appelaient. Par Abu Taymiyyah, Khalil al-Martiniki, hafizahullah ta'ala. Donc cette tolérance, elle est fixée sur les règles de la religion. Qu'est-ce qu'on tolère? Qu'est-ce qu'on ne tolère pas? Envers quoi on est indulgent? Quand est-ce qu'on l'est? Quand est-ce qu'on ne l'est pas? Et ce n'est pas dans l'absolu, comme des gens veulent le faire comprendre. Que le musulman, il accepte tout, il sait sur tout, il se mélange à tout le monde, il vit partout. Kalla wa abadan. Quand même, autant les deux là, on sait rien de commencer à faire des concessions. C'est quoi le but des koufars? Que tu m'écrois. Wa idou la takfurun kama kafaru, fatakununa sawa. Ils aimeraient que tu m'écrois, que vous me croyez comme ils ont m'écru, afin que vous soyez égaux. C'est ça qu'ils veulent, que tu sois comme eux. Et nous, le but c'est quoi? Ne pas être comme eux. De mourir en islam. Voilà, tamutunna ila wanta muslimun. C'est ça le but, de mourir en islam. Et de les appeler à l'islam eux aussi. On les appelle à l'islam comment? De façon légiférée. Vous voyez, on les appelle l'islam de façon légiférée. On leur parle de la meilleure des façons. On ne les insulte pas forcément. Ni on ne les offense, ni on ne les. En agissant vers eux. On ne laisse leurs droits, sans pour autant dépasser les limites. Donc, le chrétien ou le juif, que tu puisses lui dire cela en face. Tu veux parler avec lui? Taïeb. Dis-lui cela. Ou vous les gens du livre, venez une parole égale entre nous, que nous n'aurions que Allah seul. Donc cela amène à quoi? Tu n'invoques pas Isa, ce que tu appelles Jésus. Tu n'invoques pas. Tu ne dis pas que c'est le fils d'Allah. Tu ne le dis pas. Mariam, Kedalik, ce qu'il adore, qu'il dit c'est la mère de Dieu. Tu ne dis pas cela, cela est de la mécréance. C'est ça qu'il faut lui dire. Tu dis que c'est un café d'un mécréant. Là, tu auras fait le dialogue, tu auras fait ce que Allah subhanahu wa ta'ala attend de toi avec eux. À main débattre pour entendre ce qu'il a à dire, dire ce que tu as à dire et trouver un terrain d'entente, ça, il n'y a pas ça. Terrain d'entente, en terre d'islam, c'est la jizya. C'est tout. Tu as une terre d'islam, il vit chez toi, il paie la jizya. Et là, il est protégé. En dehors de ça, il n'y a pas de discours. Il n'y a pas de discours avec eux. Et quand on dit pas de discours, c'est pas que tu ne lui parles pas. Mais tu ne fais pas genre un dialogue ouvert. Et indulgent et tolérant, j'aurais pu dire ce qu'il a à dire. Il n'a pas. Toi, ta'mur bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. S'il dit du kouf, tu le reprends. Il dit ahna kouf. Ça, ce que tu dis, c'est de la mécréance. Ce que tu dis, c'est maya jouzi. Et que les koufars, comme on l'a dit, sont sous les charges de la religion. Que yom al-qiyama, ils seront, comme on l'a dit, châtiés pour les péchés qu'ils ont commis et pour les transgressions qu'ils auront commises. On ne dit pas comme c'est un chrétien, il mange du porc, c'est pas grave pour lui. Si, il n'a pas le droit de manger du porc. C'est un chrétien, il fait zina, c'est pas grave pour lui. Si, il sera puni pour cela. C'est un chrétien, il fait pas salat, c'est pas grave. Si, il sera puni pour cela. Toi, tu peux lui imposer la salat, mais au Melkiyama, il sera questionné pour la salat, qu'il n'aura pas fait. Donc que les gens ne fassent pas croire aux gens, le mécréant comme il est mécréant, on ne peut lui imposer les charges de la religion. Toi, tu ne peux pas le faire, certes. Mais à la base, faut que tu lui dises que tu fais là, en islam, c'est haram, et ça l'est pour toi aussi. Et que Allah n'aime pas ce que tu fais. Et que tu seras châtié pour cela si tu meurs là-dessus. Parle du kafir. Am al-muslim, tant al-mashiya. Ma'alouf, tant qu'il ne fait pas du kouf, il est sous la volonté d'Allah. Si Allah veut, il le châtie, s'il veut, il le pardonne. Mais le kafir, lui, il n'est pas. Il n'y a pas ça. Lui, c'est azab, baisse. Azab, fakat. Il sera châtié pour ce qu'il a fait. Même sera châtié pour ce qu'il a fait. Donc ne pas leurrer les gens. Ni le musulman et ni le kafir. Le kafir, tu peux les croquer. Faut que tu dises la vérité. D'accord? Et malheureusement, nous sommes éprouvés par des gens, cette communauté, qui eux veulent en faire plus que ce que leur a demandé. C'est leur genre de contraire. Ils veulent en faire plus, donc résultat, ils en font moins. Ils veulent ouvrir des débats avec les prêtres, avec je ne sais qui. À l'exemple justement de ce Rachid Abu Huzaifa, qui se fait appeler l'imam de Brest, qui, pour soi-disant un amour de l'islam de propagation, est prêt à faire des concessions aux religions. À vendre sa religion pour appeler quoi? les mécréants à avoir un discours ouvert avec eux. Et ça, on a dit, un islam, ça n'existe pas. Un Nabi Sallam, c'est pas les chrétiens pour discuter avec eux. Et écouter ce qu'ils ont à dire. Il les a appelés pour leur dire sur quoi ils sont comme faux, il les y a appelés. Et une fois qu'ils n'ont pas accepté le message, on va aller avec ça. C'était quoi le résultat? Il les combat. Il les combat. Mais on ne te dit pas, on pense que tu les combats, tu ne pourras pas les combattre. Sur leur territoire. Quand on parle des combattre, c'est les conditions. C'est-à-dire, toi, tu es chef d'État, tu as la force avec toi, d'accord? Tu as une. T'as les musulmans sont unis entre eux. Ce n'est pas le cas actuellement. Ce n'est pas faisable. Mais au minimum, tu ne peux les combattre, alors au minimum, ne les caresse pas dans le sens du poil. Au minimum, tu leur montres que tu ne les aimes pas. Et tu les évites, tu te loignes d'eux. Mais arriver à être souriant, délicat, ce genre de choses avec eux, ça, ça n'existait pas en religion. Donc tu leur montres hein, que tu ne les aimes pas. Ça, on l'a pris dans le kitab de Al-Wala wal-Bara. Pas avoir à reciter les massaïs qu'on a pris dans Al-Wala wal-Bara. Là, c'est le désaveu. Inch'Allah, qui veut profiter, retourne à ce kitab. Donc, comme je te disais, nous sommes éprouvés par des gens dans cette Ummah qui veulent en faire trop. Ce qui amène à ce qu'ils en font moins. Et certains ont peur d'eux. Voient les koufars comme étant supérieurs. Ils ont un complexe d'infériorité devant eux. Donc ils veulent yani, se secourir auprès d'eux. Se disant, chez les musulmans, je n'obtiendrai aucune force. Donc qu'est-ce que je vais faire? Comme accord l'État Allah, le chef il rapporte le verset où il dit فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُصَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَصَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ. Et tu vois, parmi eux, ceux qui ont une maladie dans le cœur. Une maladie dans le cœur. Se hâter et se précipiter vers eux. En disant, nous craignons de n'être atteints par une défaite. Et il se peut que Allah viendra avec une victoire de sa part et se mettra à regretter ce qu'il pense en eux secrètement. Ces gens-là. La victoire est pour l'islam. Mais des gens se précipitent. Et ont une faible foi. Et comme le verset le précise, une maladie dans le cœur. Ce qui amène à ce qu'ils veulent être en situation de force dès maintenant. Quitte à se lier à leurs ennemis. Cela s'appelle comment? De la traîtrise. Cela s'appelle de la traîtrise. Et bien entendu, ces gens-là ont des gens qui les croient et qui les suivent. Comme a parlé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith Anas ibn Malik an Ahmed, قال إن بين أيدي الساعة سنين خداعة يكذب فيها الصادق يصدق فيها الكاذب يخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن ويتكلم فيها الرويبضة. فقالوا يا رسول الله وما هو الرويبضة؟ قال الفويسق الذي يتكلم في أمر العامة. والحديث صحيح يعني التي توتيفي par Cheikh Moghbir رحمه الله تعالى في كتابه Sahih al-Musnad, que au devant de l'heure viendront des années trompeuses dans lesquelles le menteur sera cru et le véridique sera démenti et qu'on fera confiance au traître et que celui qui a des confiances sera yani, on se méfiera de lui, on ne croira pas, le roi Ibida se mettra à parler. Donc les sahaba ont dit, mais c'est quoi le roi Ibida? Il a dit, c'est le fouessique, c'est le petit pervers. Petit pervers, c'est le tafsir de Fasiq, Fouaisiq, le petit pervers qui se permet de parler dans les choses qui touchent à la masse. Comme cela concerne justement ce prédicateur qui appelle ce genre de choses, qui s'imagine parler au nom de l'islam, au nom de la Ummah, chez leurs ennemis. Ils se prennent pour des porte-paroles en quelque sorte. Lakin la yalaytahu sakat, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, man kana yuminu billahi wal yawmil akhir. يقول خيرا من يسموت وقال تعالى ولا تكفوا ما ليس لك به علم. Et ne recherche pas selon tu n'as pas de science. Donc ne te charge pas une chose tu n'as pas la capacité d'assumer. Tu peux l'assumer, pourquoi tu te charges? Personne ne t'a appelé à engendrer ce genre de discours. On a des savants pour ça, on a des prédicateurs aptes pour cela s'il faut parler à ces gens là pas toi. Toi tu n'as pas de science, tu n'as pas ou tu as un très peu de religion. Tu es très faible en religion. Donc lorsque tu parles, à ce moment-là, tu ne représentes que toi-même et tes idéologies et les gens qui sont avec toi. Mais l'islam, qui est dans le Coran, dans la Sunna, ce n'est pas ce discours quotidien. Il n'appelle pas à cela. Donc qu'est-ce qui se passe? Ces gens-là se trouvent entre eux, deux chaises, critiqués des deux côtés. Et eux se disent ne pas vouloir plaire aux koufars et également ne pas vouloir être comme ces gens-là, extrémistes, intégristes, comme ils disent. Parce qu'ils disent je ne suis pas salafi. Je ne suis pas salafi. Se défend être salafi. Ce Rachid, Abu Huzaifa. Donc ces gens-là se retrouvent comme quoi? Comme le cas des munafiqin. Muzabzabina baina dhalika. La ilaha ulai wa la ilaha ulai. Qui sont entre deux choses. Ils ne s'apparentent ni à cela, ni à cela. Hésitent entre les deux. Et ils veulent lier entre les deux. Ils veulent lier entre les deux aimants. Qu'est-ce qui se passe? Ils se repoussent. Et lui veut mettre les deux ensemble. Tu ne pourras pas mettre les deux ensemble. C'est contre toi que ça soit tourné. Malheureusement. C'est ça qui se passe. Quand les gens veulent, yani, monter en grade, prendre du niveau, on va dire, monter en altitude, comme quelqu'un qui monte en haut d'une montagne, pour voir un beau paysage, tout ce qui surplombe, et être vu comme étant supérieur, non, c'est bien. Mais si tu tombes, tu tombes de haut. Tu vois ce que je veux dire? Si tu tombes, la chute, elle est violente. La montée, elle est longue. Elle est dure. Elle est ardue. Tu vas monter en plusieurs heures. C'est plusieurs jours. Mais la chute, c'est quelques secondes seulement. Voilà. Et l'arrivée en bas, elle est fatale. Donc, faut pas aimer trop, on va dire, avoir la folie des grandeurs, comme on dit. Chacun reste à sa place. Ces gens-là, malheureusement, ils aiment ça. Et lui, celui-là, s'il ne fait pas attention à ce qu'il fait, la voie qu'il est en train de suivre, là, lui et d'autres, parce qu'il n'est pas le seul à agir de la sorte, c'est la chute. Combien sont passés avant lui ont voulu faire ça? Ils sont tous tombés, les uns après les autres. Tous y tombent au bout d'un moment. Pourquoi? Parce que la voie qui suit, elle est erronée. En faisant cela, ils ne secourent pas l'argent d'Allah. Donc Allah ne secourt pas. Ils sont livrés à leurs ennemis. Comme quand le Nabi Salem, « Wastirar ala man khalafa amri »« Wazil wastirar ala man khalafa amri » L'humiliation et le rabaissement pour ceux qui seront opposés à mon ordre. Donc tu seras humilié à la fin, avili. Tu ne t'en rends pas compte, mais c'est ça qui va t'arriver. Et le Nabi Salam, il a averti de cela. Car la voie que tu suis, ce n'est pas la voie de Sunna. T'as beau avoir une barbe en camis et avoir ta imama, c'est bien en apparence, mais le suivi n'est pas là. Le suivi n'est pas là. Car demain, t'as des chiens aussi, ils ont des barbes. Pas de la imama, des camis. Je dirais même, Auzubillah, des coptes, en Égypte, on a vu, des chrétiens, des barbes grosses comme ça, et ils ont un camis. Alors, seulement le camis, c'est bien. La barbe, c'est wajib. Mais il faut le suivre derrière aussi. Les koufars, ils ont une expression, ils disent quoi? L'habit n'est pas le moine, comme on dit. À la base, en islam, on juge les apparences, c'est vrai. Mais on regarde ce qu'il y a derrière les actes. Est-ce que l'acte est conforme à l'apparence? Tu as cette apparence de sunni. Tayyib. Est-ce que ta voix est sunniya, kazalik? Est-ce que tes paroles sont conformes à la sunna? Est-ce que ton manhaj est conforme à la sunna? Est-ce que ta da'wah est conforme à la sunna? Si elle ne l'est pas, ta barbe et ton camis, c'est que pour toi. Et pour nous, on regarde tes paroles, tes actes également. Et s'ils s'opposent à cela, le tout, on le met ensemble. On ne va pas séparer, genre, ouais, il est sunna d'un côté, pas de l'autre. Non, t'es égaré, tout simplement pour nous. Tu ne verras pas nous t'a dire sans qu'ils ne reconnaissent les choses de la sunna. Comme les salafs ont dit. Chez chaque moutadir, tu trouveras des choses, tu diras qu'ils sont vraies. Tu verras même chez les koufars, des fois ils vont dire des choses qui sont vraies, qui sont réelles. Alors que dire de musulmans, tu verras des gens, chez les moutadiras, parmi les grands égarés, ils auront des points qui sont vrais. Est-ce que pour autant on va dire c'est vrai donc on l'écoute? Non, on n'écoute rien. Ce que tu dis comme vrai, c'est pour toi. Mais nous à la base, tout ce que tu dis, on n'écoute pas. Mais par contre, si tu dis un hack, c'est vrai, on l'accepte. Est-ce que ça veut dire qu'on va l'écouter pour autant? Se mettre à l'écouter? Non. Mais si on l'entend, on dira ce qu'il a dit, c'est vrai là. Non, c'est vrai ce qu'il a dit. Est-ce que c'est pour autant que je prends ces cassettes et les écouter et les propager? Non. Mahjour, haj, boycott, et tahvir, on met en garde. Taïeb, ou tahkir, on le rabaisse. C'est comme ça qu'on se comporte avec les gens des égarements. Taïeb. Je voulais faire un petit mukaddima vite fait, tu vois, qui était lié par rapport à cet homme-là, ce qui se passe actuellement de lui, qui a voulu, justement, qui n'arrive pas à assumer sa da'wah, qui fait des choses qui contiennent du vrai, comme le fait d'interdire la musique, le fait d'appeler à porter le hijab, non, il a raison là-dessus. Mais le problème, c'est qu'après, qu'on lui reproche il se ramollit. Il n'assume pas. Dans un discours, il dit quoi ? Que ce n'est pas toute forme de musique qui est interdite en islam. Ah bon ? Il y a des musiques autorisées en islam. C'est quoi la musique ? La musique, c'est pas comment on appelle ça, les awamil, les poésies qui sont psalmodiées. C'est pas de la musique, ça. C'est pas de la musique, ça. Musique, c'est derrière, il y a un instrument. C'est ça, de la musique. Ah, mais un chant, c'est autre chose. Mais musique, ce qu'on appelle de la musique, c'est qu'il y a un instrument derrière. Et en islam, le seul instrument qui est autorisé, c'est le douf pour les femmes lors des occasions, comme l'Eid ou l'Urs, le Zawaj, mariage. Là, c'est autorisé pour les femmes seulement. C'est une chose qui est permise. À ce moment-là, même Mustahabba, mais pour les femmes. Ah, mais comme eux, ils font, même les anachides qu'eux, ils font, c'est une chose qui est, en islam, c'est une bid'a, les anachides, comme eux, les font. Et c'est une chose qui est loin du Coran. Ça va, ils ont mis des mises en garde sur les anachides. C'est loin du Coran. Les gens qui écoutent beaucoup d'anachides, ils n'écoutent pas du Coran. Le Coran, sur leur cœur, ne fait pas grand effet. Tu le mets à anachide, par exemple, Nashida, c'est le singulier, qui appelle au jihad, tu vas le voir, il est chaud, il est bouillant, il est prêt à affronter le monde. Tu mets le Coran, surat Tawba, mathalan, surat Tawba, tu lui mets surat Al-Anfal, ça ne fait pas grand chose. Tu lui mets surat Muhammad, surat Al-Qital, ça ne fait pas grand chose. Mais tu lui mets un Nashida, des anachides, de Yichouanien, comme ça, de Hamas ou quoi, tu vois, il est chaud bouillant. On dit, c'est pas normal, ça. À la base, c'est le Coran qui fait effet. Hein? Cependant, comme ces gens-là ont été habitués à des choses, ou alaykoum salam, à des choses non légiférées, eh ben, ils vont avoir un côté, justement, eux-mêmes, dans leur comportement, qui ne sont pas légiférés. Le faux amène au faux. El khata, el jour el khata. Comme il y a quand même. El khata, el jour el khata. L'erreur tient l'erreur. Ou el haq, el jour el haq. Puis tu prends du haq, puis il rentre. Eh ben, l'effet contraire également existe. Plus tu fais des erreurs, plus tu subiras d'erreurs au fur et à mesure. Comme une boule de neige. Quand c'est petit, ça grossit au fur et à mesure. Une grosse boule, à la fin. Ben, l'erreur, c'est pas, il commence par petit. Et à la fin, tu accumules, à la fin, ça fait une grosse boule d'erreur. C'est ça qui est. Comme la bid'a. Si erreur la bid'a, t'as un terrible kibar. Une petite bid'a, tu vois, c'est une petite bid'a au début, qu'on appelle petite dans le sens où elle paraît légère. Comme les Asab du Mazid Bani Hanifa, ils ont commencé par des cailloux de tasbih, des cailloux, ils ont fini comment ? Dans les rangs des Khawarij. Adam, malheureusement. Donc par rapport à cet homme qui lui, justement, s'est fait reprendre par les médias, du fait qu'il a eu des paroles vraies par rapport aux enfants, qu'il a interdit la musique, et quand ils sont tombés sur lui, il a voulu se défendre. Non, mais la musique en islam, ce n'est pas toute musique est interdite. Tu me dis si la musique est interdite en islam. Oui, je dis ça aux enfants, n'arme, c'est ma religion. Dis-leur clairement, sois un rajoul. Osbut, Amahamahum, là tu vois, il sera molli. C'est pas quoi. Il a une image aussi médiatique à préserver. Oui. Et bien pour cela, ça l'amène à quoi ? À devoir couper les chines. Mais il faut faire comprendre à ces gens-là que les juifs et les chrétiens ne seront pas satisfaits de vous tant que vous ne suivez pas leur religion. Quoi que tu fasses, ils ne seront jamais contents de toi. Bon, allez, comme ça. Tant que tu seras un musulman, ils chercheront à te enlever ta religion petit à petit. Comme on a dit au début. Ils aimeraient que tu m'écroies comme ils ont mécru, ou ils aimeraient que vous m'écroyez comme ils ont mécru, afin qu'on soit égaux. C'est ça qu'ils veulent, que tu sortes de la religion. Donc, quoi que tu fasses pour concession, tu vas faire que enlever ce que ne peut rien avoir avec eux. C'est ça qui se passe, et que les gens n'arrivent pas à comprendre. Devant ton ennemi, reste ferme. Ça ne sert à rien de faire des concessions. Al-mudahana, c'est quoi al-mudahana ? C'est. T'en as un zoul, que tu concessions, tu délaisses des choses qui sont des droits pour plaire à ton interlocuteur. On dit non. Fil l'islam, al-mudara, naam. Ce qu'on appelle la diplomatie, c'est-à-dire faire les choses de la meilleure façon sans pour autant délaisser des interdits, d'enfreindre des interdits, de délaisser des obligations. Pourquoi ? Pour obtenir un bien. Ça s'appelle mudara. Mudara, il faut l'avoir en religion. Une forme de Dieu. On traduit ça par diplomatie, mais bon, diplomatie même ça, c'est un côté, tu vois, un peu concession, tu vois. C'est être, c'est avoir un esprit stratégique, savoir comment te comporter avec celui dont tu veux subir quelque chose, sans en tirer un mal, sans subir son mal. Comment te comporter avec ton opposant, tout en te protégeant de son mal, sans pour autant délaisser les choses de ta religion. Comme le Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam l'a fait dans le hadith d'Aïcha, quand le Sultan est venu. Il a dit Bissa ibn Ashira ou Akhul Ashira. Et après, quand il a ouvert la porte, il a souri. Aïcha, elle a dit comment ? au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu as dit cela sur lui et après tu l'instruis. Il a dit le pire des gens, c'est celui dont les gens tentent de se préserver de son mal, dans le sens. Ça veut dire quoi? Il lui a dit ça, un sourire en face, pourquoi? Parce que cet homme-là aurait pu lui nuire par la suite, au nuire à sa da'awa. Donc il a montré un sourire. Et il ne lui a pas non plus montré des choses de la religion qui ne sont pas permises, pour lui plaire, non plus. Juste, il lui a montré une chose qui était permise, pour minimiser le mal. C'est tout. Ça, c'est le mudara. Et ça, il faut en faire preuve avec tout le monde. Avec ta femme, avec tes enfants, avec tes parents, avec tes voisins, même avec tes frères. Des fois, tu vois qu'il y a une situation qui va être un peu tendue, trouve une façon d'être diplomate avec lui. Sans tomber dans le haram, sans pour autant essayer de le provoquer, et de le mettre en colère. De susciter chez lui une chose qui pourra amener un mal. Évite. Quitte à faire une chose, on va dire en apparence, qui va le calmer, l'apaiser. Mais sans lui mentir. Vous voyez? Et sans l'escroquer. Ça, il faut faire preuve de cela. Celui qui a de la mudara, c'est quelqu'un qui est intelligent. Nabi Sallam, il a fait preuve de mudara. Mudara, il en a eu. Amal mudahana, là, c'est ce qu'on appelle faire des concessions. Ça, c'est haram. Et c'est ce que ces gens-là, ils font eux. Mudahana, tamam, avec le kuffar. Donc, on va s'arrêter là, inshallah. Fabi hadal kad naktafi. On a kul alhamdulillah rabbil alamin. مع تحية دمام افاق.com